Selon le journal d'internet sud-coréen Tonglius, la réunion solidaire asiatique pour la solution du problème d'esclavage sexuel au service de l'armée nippone s'est déroulée à Séoul du 18 au 20 courant, sous thème pour la vérité, la justice, l'indemnisation et la prévention. Y ont pris part les victimes de l'esclavage sexuel de la Corée du Sud, des Philippines et du Timor-Est, ainsi que les militants de divers pays du monde. On y a lu le texte de résolution. Par ailleurs, les victimes d'esclavage sexuel susmentionnées ont tenu le 19 à Séoul une conférence de presse pour réclamer les excuses officielles et indemnisations juridiques au gouvernement japonais pour les crimes anti-humains commis dans le passé.